الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc voilà, nous allons entamer, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, notre deuxième cours sur la définition islamique de la maslaha. Donc on va traiter de la définition islamique de la maslaha. Je sais que le terme définition fait un peu académique. Mais comme je l'ai rappelé lors du premier cours, la maslaha islamique est une science. C'est une science, si on dit une science, c'est que ça implique, ça a des règles. Si on dit que c'est une science, cela implique que cette terminologie, cette étude de la maslaha islamique doit se définir avant d'essayer d'aller plus loin. Car aujourd'hui, avec toutes les fatwas qu'on entend sur la maslaha, on parle, on entend des imams, on entend des prêcheurs dire s'il y a maslaha dans une chose, vous pouvez le faire. Mais les gens en réalité, si tu leur demandes c'est quoi la maslaha, ils ne pourront pas te donner une définition correcte. Ils vont voir la maslaha selon leur perception des choses. Ils vont voir la maslaha selon leur perception des choses. Donc, il est d'un devoir pour le musulman de savoir c'est quoi la maslaha islamique. C'est quoi la maslaha islamique et qu'il doit avoir une représentation mentale de la maslaha islamique selon les principes de l'islam, selon la révélation, selon le Al-Qur'an. Donc, la maslaha islamique ne peut être définie selon notre désir personnel. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte. Le contexte dans lequel on se trouve, c'est le contexte de l'islam. Lorsqu'on est dans un contexte islamique, nos désirs, nos passions n'interviennent pas pour limiter ce contexte. Et celui qui veut définir la maslaha islamique selon ses désirs personnels, il est comme une personne qui a sa voiture qui est en panne et il connaît rien de la mécanique. Il connaît rien de la mécanique automobile et il veut réparer sa voiture comme selon ses propres sentiments, selon ce qu'il voit. Ce qui est une maslaha pour sa voiture. Est-ce qu'il va arriver à réparer sa voiture? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Irrationnellement, c'est inacceptable. Pardon, excusez-moi, rationnellement, c'est inacceptable qu'on dise qu'une personne est capable de réparer selon ses sentiments, selon ses désirs, une voiture qui est en panne alors qu'il ne connaît rien de l'automobile. Donc pareil, on ne peut pas accepter que Allah Ta'ala nous a créés. Allah Ta'ala dans le Coran, il nous dit dans le Coran, il sait et que nous on ne sait pas. On ne peut pas accepter rationnellement, bien sûr, selon la révélation en premier, que on peut connaître la maslaha islamique sans se baser sur la révélation. Donc avant de définir le terme la maslaha islamique selon l'islam, il faut d'abord comprendre ce mot dans la langue arabe. Car la langue arabe, c'est la langue de la révélation. C'est la langue par laquelle Allah Ta'ala a décidé de révéler cette religion qu'est l'islam. On a dans le livre intitulé Al-Maslaha Al-Mursala, Dawabituha, où l'auteur de ce livre va rapporter toute une définition du terme al-maslaha en arabe. Ensuite, il va faire une conclusion du terme al-maslaha, comment il était défini dans la langue arabe. Car dans la langue, dans la définition islamique, on va toujours retrouver une partie de la définition de la langue arabe. Donc, la maslaha dans la langue arabe veut dire hiya jima'ul khayr, hiya jima'ul khayr, c'est-à-dire c'est la quantité de bien qu'il y a dans une chose. Donc, la maslaha dans la langue arabe, c'est la quantité de bien qu'il y a dans une chose. Donc, lorsque une chose contient du bien qui nous profite, on dit que c'est une maslaha. On dit que c'est une maslaha. C'est pour cela, Allah Ta'ala, dans le Coran, il dit dans un verset, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Allah Ta'ala, il dit dans un verset, ne sèmez pas le mal sur la terre après qu'il a été réformé, ceci est meilleur pour vous, ceci est bien pour vous, ceci est meilleur pour vous. Donc on voit dans ce verset, Allah Azzawajal a utilisé un terme auquel il faut faire attention. Il a dit la tufsidou. La tufsidou fil art. Ba'd islahiha. La tufsidou fil art. Ba'd islahiha. Donc ne sèmez pas le mal sur la terre après qu'il était reformé. Donc Allah Ta'ala a utilisé un terme ici, la tufsidou, qui vient du verbe, qui vient du terme al-mafsada. Al-mafsada, c'est le contraire de al-maslaha. Al-mafsada, c'est le contraire de al-maslaha. Al-mafsada signifie le mal. Al-mafsada, c'est une chose, c'est la quantité de mal qu'il y a dans une chose. Et Cheikh Saadi, par rapport au verset dont je viens de vous lire, il a dit, quand Allah Ta'ala dit, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Cheikh Saadi, qui était le professeur de Cheikh Al-Uthaymin, a dit dans son tafsir de ce verset, il dit, certes, délaisser les péchés par soumission à l'ordre d'Allah, donc délaisser les péchés par soumission à l'ordre d'Allah et pour se rapprocher de lui est un bien et plus profitable pour les serviteurs que de faire ce qui entraîne la colère de Al-Jabbar et le châtiment de l'enfer. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit le cher Saadi? C'est le fait de délaisser le péché par soumission à Allah Ta'ala est un khair. Donc le fait de ne pas propager, de semer le mal est un khair. Pourquoi? Parce que ça apporte le bien. Le fait de ne pas propager le mal, ça apporte un bien dans la vie des gens. Maintenant, quelle est la différence entre al-maslaha et al-mafsada? C'est quoi la différence entre al-maslaha ou al-mafsada? Ibn al-Qayyim nous explique dans son livre al-miftahu Dari Sa'adati, donc El-Miftah, pardon, Miftahu Dari Sa'adati, dans volume 2, page 14, il dit que El-Maslaha, c'est ce qui va te procurer le plaisir, c'est ce qui va te procurer le bonheur, et c'est les moyens qui vont t'aider à atteindre le bonheur. Donc El-Maslaha, c'est ce qui va te procurer le plaisir. C'est ce qui va te procurer le bonheur et les moyens qui vont t'aider à atteindre le bonheur. Donc, si à chaque fois qu'on entendra le terme al-maslaha durant nos cours, il faudra toujours se mettre en tête, c'est ce qui nous procure le plaisir, c'est ce qui nous procure le bonheur et les moyens qui nous aident à atteindre ce bonheur. Et le terme al-mafsada, Ibn al-Qayyim, il dit, le terme al-mafsada, qui est le contraire de al-maslaha, signifie le châtiment, la douleur et les causes qui vont mener au châtiment et à la douleur. Donc le terme al-mafsada signifie le châtiment, la douleur et les causes qui vont nous amener au châtiment et à la douleur. C'est ça la différence. Donc al-maslaha, c'est ce qui va te procurer le plaisir, c'est ce qui va te procurer le bonheur, c'est ce qui va te procurer, la joie et les moyens qui vont t'aider à atteindre ce bonheur. Et el mafsada, c'est ce qui va te procurer le châtiment, ce qui va te procurer la douleur et les causes qui vont amener au châtiment et à la douleur. Le troisième point qu'on va traiter ici, on va traiter de la différence entre la maslaha des hommes et la maslaha islamique. Entre la maslaha des hommes et la maslaha islamique. La maslaha des humains est différente de la maslaha du Créateur. Donc la maslaha des humains, c'est la maslaha que les humains ont décidé que c'était une maslaha. La maslaha du Créateur, c'est la maslaha que Allah Ta'ala a décidé, par la voie de la révélation. La différence, c'est que la maslaha des humains cherche à ce qu'on soit au service de la créature, et la maslaha islamique cherche à ce qu'on soit des adorateurs du Créateur de la créature. Donc la maslaha islamique cherche à ce qu'on soit des adorateurs du Créateur de la créature. Et la maslaha des humains cherche à ce qu'on soit des adorateurs des êtres humains. C'est pour ça Ibn Kathir, dans Al-Bidaya wa Nihaya, rapporte une parole très célèbre où un commandant de soldats perses a demandé un jour à Rabi' lors de la bataille de Al-Qadisiyya. Lors de la bataille de Al-Qadisiyya, au sujet des musulmans, Rabbi leur a répondu. Il leur a dit une parole très belle, très célèbre. Il dit, Allah nous a envoyés pour que nous faisions sortir celui qui veut de l'adoration des serviteurs vers l'adoration du Seigneur des serviteurs, du malaise de ce bas monde et de ce qu'il y est. Pardon, excusez-moi. Je recommence. Allah nous a envoyé pour que nous faisions sortir celui qui veut de l'adoration des serviteurs vers l'adoration du Seigneur des serviteurs et du malaise de ce bas monde et à ce qu'il soit à l'aise de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. C'est ça la maslaha islamique. C'est quoi? C'est qu'on cherche à ce que les êtres humains ne soient plus des adorateurs des êtres humains. On cherche à ce que les êtres humains soient des adorateurs d'Allah Azzawajal, soient des adorateurs du Créateur de l'univers. On cherche à ce que les êtres humains ne connaissent plus le malaise de ce bas monde et qu'ils connaissent, qu'ils soient à l'aise dans ce bas monde. On cherche à ce que les êtres humains sortent de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. C'est ça la différence entre la maslaha islamique et la maslaha des hommes. Et à ce sujet, Allah Ta'ala il dit Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Azzawajal, il dit, nous t'avons envoyé seulement pour miséricorde pour l'humanité. Donc Allah Ta'ala nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour l'humanité. Donc la maslaha islamique, c'est une maslaha qui veille à l'être humain. C'est une maslaha de la miséricorde. C'est pour cela Ibn al-Qayyim, dans son livre très connu, I'lam al-Mawaqi'in, il dit, toute la sharia, c'est la justice. Et toute la sharia est une rahma. Toute la sharia est une justice et toute la sharia est une rahma. Ça signifie quoi? C'est que la sharia cherche la justice. Dans un hadith Qudusi, Allah Ta'ala, il a dit qu'il s'est interdit la justice. Et toute la sharia est une rahma. Car un des sifats d'Allah Ta'ala, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pardon, un des noms d'Allah Azzawajal, c'est Ar-Rahman, pardon. Et la législation islamique, la maslaha islamique, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche l'intérêt des êtres humains. elle ne cherche pas l'intérêt de celui qui a légiféré ses intérêts pour les êtres humains. Je m'explique. C'est-à-dire que l'être humain, dans sa maslaha, lorsqu'il cherche la maslaha des êtres humains, lorsqu'il légifère une loi, il cherche la maslaha des êtres humains, mais ici il cherche aussi sa maslaha à lui. Il cherche la maslaha des êtres humains, il cherche aussi la maslaha à lui, l'être humain, lorsqu'il légifère une loi. La preuve, la cigarette. La cigarette, on a une preuve, on a des preuves au niveau médical, comme quoi c'est nuisible à la santé. Tous les médecins sont d'accord que la cigarette, c'est quelque chose qui est nuisible à la santé. Une des causes de mortalité en Occident, c'est la cigarette. On a des preuves que c'est nuisible à la santé, mais ce n'est pas interdit. C'est une cause de mortalité, mais malgré cela, ce n'est pas interdit, la cigarette. La cigarette est quelque chose qui n'est pas interdit. Malgré qu'il y a des millions de morts, on n'interdit pas la cigarette. Pour quelle raison? Parce que la cigarette est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. Et quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent dans l'État. Comme ça rapporte beaucoup d'argent à l'État, on ne va pas l'interdire. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. Comme l'alcool. L'alcool, qui est une des premières causes de mortalité. À cause de l'alcool, des femmes se font violer. À cause de l'alcool, il y a beaucoup d'accidents de voiture. À cause de l'alcool, les gens attrapent des maladies mortelles comme la cirrhose. Malgré qu'on sait tout ce qui est négatif par rapport à l'alcool, mais les États mécréants, comme la démocratie, la laïcité, refusent d'interdire l'alcool, refusent d'interdire la cigarette. Pourquoi? Parce que ça rapporte l'argent. Tandis que dans l'islam, tandis que dans la maslaha islamique, même si la cigarette rapporte de l'argent, même si l'alcool est quelque chose qui rapporte de l'argent, ça sera interdit. Ça sera quelque chose d'interdit. On va interdire cela. Pourquoi? Parce qu'on regarde la rahma de l'être humain. On regarde la rahma, on est là pour la rahma de l'être humain. On n'est pas là pour l'intérêt d'un groupe de personnes au détriment d'une majorité de personnes. Donc, l'islam, la maslaha islamique, regarde la rahma de l'être humain, même si elle va gagner dans une chose, beaucoup d'argent dans une chose qui va détruire les êtres humains, ce qui n'est pas le cas de la maslaha qui a été instituée par les êtres humains. Et aussi, Allah Ta'ala dans le Coran, il dit, Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, antumul fuqara'u ila Allahi, wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah Zawajal, dans ce verset, Surat al-Fatir, il dit, Ô vous les gens, vous avez besoin d'Allah, et Allah Ta'ala, wal ghaniyyul hamid, il n'a besoin de personne, il est le digne de louange. Il est Al-Hamid. Allah Zawajal, dans ce verset, il montre la situation des êtres humains. C'est que tous les êtres humains, ils ont besoin d'Allah. Tous les êtres humains, ils ont besoin d'Allah dans tous les aspects de leur vie. Dans tous les aspects de leur vie, ils ont besoin d'Allah Zawajal. Et Allah Zawajal nous a informé qu'il n'a pas besoin de nous. Qu'il a besoin de personne. Et Allah Ta'ala, un de ses noms, c'est Al-Wakil. Al-Wakil, c'est celui qui se porte garant, comme ils ont dit les savants, c'est celui qui porte garant de ce qui t'est profitable. Il se porte garant de tes masalih. Donc, à partir du moment où Allah Ta'ala, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre adoration, et que nos désobéissances ne diminuent pas de sa royauté, à partir du moment où Allah Zawajal n'a pas besoin de nous, c'est-à-dire que tout ce qu'il va mettre en place pour nous dans cette vie, ce sera pour notre propre intérêt. Ce sera pour notre propre intérêt à 100%. À 100%. On ne peut même pas imaginer qu'il y a un atome de pourcentage qui sera pour l'intérêt d'Allah Zawajal. Car Allah Ta'ala n'a pas besoin de nous. Allah Zawajal, il n'a besoin de personne. Et c'est la perfection totale. Tandis que les êtres humains, Même s'ils sont riches, ce sont des personnes riches, besogneux. Car le riche, même s'il est riche, il a besoin de dormir. Il ne peut pas rester plus de 24 heures sans dormir. S'il reste plus de 24 heures sans dormir, il va devenir malade. Le riche, Même s'il est riche, il a besoin d'acheter à manger. Car s'il reste un certain nombre de jours sans manger, il risque de mourir. L'être humain a besoin d'avoir des rapports intimes. L'être humain, s'il a une maladie incurable, même s'il est riche, sa richesse ne le permettra pas d'acheter le remède pour retirer cette maladie incurable. Donc Allah Ta'ala n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de sa sharia. Maintenant, pourquoi le musulman ne peut qu'accepter que la maslaha islamique? Pourquoi le musulman ne peut qu'accepter que la maslaha islamique? Parce que le musulman est celui qui croit au paradis. Il croit à l'enfer. Son but dans cette vie, c'est quoi? C'est faire les causes qui vont l'aider d'aller au paradis. Son but dans cette vie, c'est faire les causes qui vont l'aider à éviter l'enfer. Donc la maslaha du musulman, c'est quoi? C'est chercher ce qui va le profiter dans ce bas monde et chercher la maslaha qui va le permettre de ne pas rentrer en enfer. C'est pour cela l'imam Al-Shatibi dans Al-Muwafaqat, volume 2, de page 30 à 31, dit que le législateur a eu comme objectif, à travers la législation, d'établir Al-Masalih de l'au-delà et de ce bas monde. Et il dit également dans le même livre, Al-Shatibi dit également dans le même livre, que les législations n'ont été établies que pour l'intérêt Al-Masalih, pour les serviteurs ici-bas et dans l'au-delà. Donc on voit que la maslaha du musulman, c'est quoi? C'est ce qui va prendre en considération son intérêt dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc il ne peut pas se fier aux intérêts, au maslaha des mécréants, parce que le maslaha des mécréants n'est limité qu'à ce bas monde. Ils ne croient pas en l'au-delà, donc leur maslaha ne sera limitée qu'à ce bas monde. Tandis que la maslaha du musulman, l'intérêt du musulman, sera relié à l'au-delà, Et ici-bas. Car son objectif sur cette terre, c'est de faire les causes pour entrer au paradis et de éviter les causes qui vont le mener en enfer. Donc il est impossible que le musulman se fie au maslaha des mécréants. Car les deux maslaha de mécréants et le maslaha des musulmans islamiques qui a été fixé par Allah n'ont pas les mêmes objectifs. Aussi, le musulman, c'est celui à qui Allah Azzawajal lui a envoyé un prophète que pour la maslaha du musulman, la maslaha de l'humanité. C'est pour cela Allah Azzawajal dit dans un verset: Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Donc, dans cette traduction approximative, Allah Azzawajal, il dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, dont ils trouvent mentionné auprès d'eux dans la Torah et dans l'Injil, ils leur donnent le convenable, ils leur interdisent le blâmable, et ils leur permettent que des bonnes choses, et ils leur interdisent sur eux que des mauvaises choses. Donc le but de l'envoi du prophète, du messager, c'est quoi? C'est nous ordonner le convenable, nous interdire le blâmable, que de nous permettre que des bonnes choses, que nous interdire que des mauvaises choses. Donc la maslaha du musulman se trouve où ça? Se trouve chez le prophète. Car Allah Ta'ala, lorsqu'il t'envoie un prophète, c'est pour ta maslaha à toi. C'est pour que tu trouves le bonheur dans ce bas monde, et pour que tu évites les malheurs de ce bas monde, En évitant les malheurs de ce bas-monde, tu rentreras au paradis et t'éviteras l'enfer. Donc, la maslaha islamique, c'est la maslaha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner. Ce qui nous amène à définir la maslaha. Ce qui nous amène à définir la maslaha. Donc, l'imam al-Ghazali, dans son livre al-Mustafa, il va définir la maslaha. Il va nous définir c'est quoi la maslaha. Il va dire que la maslaha, c'est un mot qui signifie le fait de chercher à obtenir un profit ou à repousser une nuisance. C'est le fait de chercher à obtenir un profit ou à repousser une nuisance. Certes, c'est apporter ce qui profite, ce qui va profiter, et repousser ce qui va nuire. Ce qui va nuire, excusez-moi, je répète, donc l'imam al-Ghazali dit que al-maslaha, c'est un mot qui signifie le fait à chercher à obtenir un profit ou à repousser une nuisance. Certes, apporter ce qui profite et repousser ce qui nuit fait partie des objectifs de la création et le bien de la création. Le bien de la création se réalise en réalisant leurs objectifs. Mais nous déterminons la maslaha comme le fait de préserver les objectifs de la législation islamique qui sont au nombre de 5. Le premier, c'est préserver leur religion. Le deuxième, c'est préserver leur vie. Le troisième, c'est préserver leur raison. Le quatrième, c'est préserver la descendance. Le cinquième, c'est préserver leurs biens. Et chaque fois qu'il manquera ces fondements, cela sera une mefsada et Donc, à chaque fois qu'il manquera ces fondements, ça sera une mefsada. Donc, et empêcher qu'on perd ces fondements sera une maslaha. Référence livre Al-Mustafa, page 174. Donc, ici, le cheikh, l'imam Al-Ghazali, dans son livre, nous explique c'est quoi une maslaha islamique. Une maslaha islamique, c'est le fait de chercher à obtenir ou à repousser les nuisances. Car le but de l'être humain, c'est quoi? C'est éviter ce qui va le nuire dans ce bas monde. Et chercher à ce qui va le profiter dans ce bas monde. Donc, comme c'est Allah qui l'a créé, comme c'est Allah qui a créé le mal, comme Allah Ta'ala sait ce qui est mauvais pour lui, il sait ce qui est bon pour lui, il ne pourra réaliser à éviter les nuisances, il ne pourra réaliser qu'à chercher ce qui va le profiter à travers 5 objectifs. Les savants, en analysant le Coran, en analysant le Sunna, ils ont vu que Allah Ta'ala, lorsqu'il va légiférer une loi, lorsqu'il va t'interdire une chose, lorsqu'il va t'ordonner une chose, c'est pour réaliser 5 objectifs. Et en réalisant ces 5 objectifs, c'est comme ça que tu pourras profiter de ce bas monde. Et c'est comme ça que tu pourras rentrer au paradis. Et ces 5 objectifs, ça consistera à préserver la religion. Ces 5 objectifs vont consister à préserver la religion. Lorsque un de ces objectifs ne va pas être accompli, c'est-à-dire que l'être humain va se trouver dans une situation néfaste. C'est pour cela que les lois d'Allah, la législation d'Allah, quand Allah Ta'ala y rend haram quelque chose, c'est pour réaliser ces objectifs. Lorsque Allah Ta'ala rend obligatoire quelque chose, c'est pour réaliser ces 5 objectifs. Donc ces 5 objectifs ne peuvent exister qu'en légiférant des choses qui vont leur faire exister, qu'en instaurant des choses qui vont les faire exister, et qu'en mettant en pratique des lois qui vont les renforcer. Donc pour éviter l'inexistence de ces objectifs, Allah va légiférer ce qui va garantir la continuité de ces objectifs. Et va légiférer ce qui va permettre ces objectifs. Et va légiférer ce qui va permettre que ces objectifs ne disparaissent pas. Donc on va arrêter là. Donc ici, ce qu'il faut retenir, et on continuera la semaine prochaine parce que ça fait 30 minutes presque que je suis en train de donner ce dars. Ici, ce qu'il faut se retenir, c'est que la maslaha islamique, c'est quoi? C'est une maslaha qui cherche à préserver les cinq objectifs pour les cinq objectifs pour lesquels l'islam est venu. Et l'islam a utilisé comme moyen la législation des lois qui vont garantir ces objectifs-là. Si ces objectifs-là ne sont pas réalisés, l'être humain vivra dans le mal. Et le premier de ces objectifs à réaliser, c'est le dîn, c'est préserver le dîn. Barakallahu fikum. Qu'Allah Ta'ala fasse que ces durous sur al-maslaha nous soient profitables. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.